Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereton. Markem-archive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 6. Cinquième douleur, le crucifiement. Le monde est un mystère. La vie, le temps, la mort, le doute, le bien et le mal, et l'incertitude qui plane sur notre sort éternel, sont autant de mystères. Quelquefois ces mystères demeurent brûlants sur notre cœur. Mais le crucifix en est le sens. Il est la solution de tout. Il fait la question et y répond. Le crucifix est la lecture de toutes les énigmes, la certitude de tous les doutes, le centre de toutes les croyances, la source de toutes les espérances, le symbole de tous les amours. Il révèle l'homme à lui-même, et Dieu à l'homme. Il présente une lumière au temps pour qu'il regarde dans l'éternité et se rassure. Le crucifix est doux à voir dans le temps de notre joie, car il attendrit notre joie sans la réprouver et l'élève sans qu'elle éprouve de tension. Dans la douleur, il n'y a nul objet dont la vue soit pour nous comme celle du crucifix. Il fait sortir nos larmes, il les fait couler plus abondamment, de sorte qu'elles deviennent bientôt plus douces que les sourires mêmes. Il donne de la lumière aux ténèbres. Le silence de sa prédication est toujours éloquent, et la mort est vie, en présence de ce grand gage de la vie éternelle. Le crucifix est toujours le même, et cependant il varie toujours son expression de manière à être pour nous, dans toute disposition d'esprit, ce dont nous avons le plus grand besoin, et ce qu'il nous est meilleur d'avoir. Il n'y a pas lieu de s'étonner si des saints ont embrassé leur crucifix dans de telles extases d'amour satisfait. Mais Marie est une partie de la réalité de ce symbole. La mère et l'apôtre restent debout, pour ainsi dire, à travers tous les siècles, au pied du crucifix. Ils sont eux-mêmes des symboles de ce grand mystère, de la seule vraie religion, et de ce que Dieu a fait pour le monde qu'il a créé. Nous ne pouvons penser à l'enfant de Bethléem sans penser à sa mère. L'Évangile ne nous laisse pas non plus nous représenter l'homme sur le calvaire sans sa mère. Jésus et Marie ne firent jamais qu'un, mais il y eut entre eux une union particulière sur le calvaire. C'est à cette union que nous arrivons maintenant, à la cinquième douleur de Marie, au crucifiement. Le chemin de la croix a été terminé, et le sommet du mont avait été atteint un peu avant midi. Si nous en croyons la tradition, dès lors même le calvaire était un lieu célèbre, et propre à devenir le sanctuaire d'un monde, car il passait pour être la place du tombeau d'Adam. L'endroit où le Père du genre humain se reposa lorsque la miséricorde de Dieu accepta et termina ses 900 années de pénitence héroïque. Tout près de là était la cité de David, qui était plutôt la cité de Dieu, le centre de tant d'histoires merveilleuses, l'objet d'un amour si touchant. La scène qui allait se passer devait découronner la cité reine, mais seulement afin de donner une couronne bien plus glorieuse de lumière, d'espérance, de vérité et de beauté à toutes les cités du monde où le Christ crucifié serait prêché, et où le Saint-Sacrement demeurerait. Peu de temps, une heure peut-être, s'était écoulée depuis la dernière douleur, de sorte que quelques heures seulement avaient passé entre la quatrième et la consommation de la cinquième. Cependant, en souffrance et en sanctification, c'est là une époque plus longue que les 18 années de Nazareth. Pour Dieu, 1000 années ne sont qu'un seul jour. Il n'y a rien en quoi cela soit plus vrai que dans notre sanctification. Ces quelques heures furent remplies par des mystères si divins, par des faits d'une réalité si frappante, que la durée du temps est à peine un élément dans l'agonie de l'âme de Marie. Elle arrive au crucifixement. Plus merveilleuse de grâce, plus miraculeuse dans ses souffrances, que lorsqu'une heure auparavant elle avait rencontré au coin de la rue Jésus chargé de sa croix. Ils ont dépouillé Jésus de ses vêtements, et la honte que lui fait alors éprouver son état fait frémir sa nature humaine au-delà de toute expression. Pour sa mère, cette indignité était en elle-même une torture, tandis qu'en même temps la vue sans voile du cœur de son fils était pour elle une horreur et une souffrance que les paroles ne sauraient exprimer. Ils ont étendu Jésus sur la croix, lit plus dur que le berceau de Bethléem, dans lequel il avait d'abord été couché. Il se remet entre leurs mains avec autant de docilité qu'un enfant fatigué que sa mère prépare doucement au repos. Il semble, et en réalité il en était ainsi, faire sa propre volonté, plutôt que la leur. Beau dans son défigurement, vénérable dans son ignominie, le Dieu éternel s'étend sur la croix, les yeux fixés avec douceur sur le ciel. Jamais Marie ne pensa qu'il parût plus digne d'adoration, qu'il fût plus manifestement Dieu que quand il était ainsi étendu et couché sur la croix, victime impuissante, mais volontaire, et elle l'adorait avec la plus profonde vénération. Maintenant, les bourreaux étendent son bras droit et sa main sur la croix. Ils mettent le clou raboteux à la paume de sa main, cette main d'où découlent les grâces du monde, et le premier coup du marteau retentit sourdement au milieu du silence. Le frémissement que lui cause l'excès de la douleur passe dans tous les membres, mais sans altérer la douce expression du regard. Bientôt les coups se succèdent, un faible écho les répète. Madeleine et Jean se bouchent les oreilles, car pour eux ce son est intolérable, il leur est plus douloureux que si le marteau tombait au vif sur leur cœur. Marie entend tout le bruit. Le marteau tombe sur la vie de son cœur, car, depuis longtemps, son amour est mort en elle et ne vit plus qu'en Jésus. Elle dirige ses regards vers le ciel. Elle ne peut parler, que pourrait exprimer des paroles. Le Père seul comprenait l'offrande de ce cœur, brisé tant de fois. Pour Marie, la pose des clous n'était pas une action unique, chaque coup lui infligeait un martyre particulier, comme la main du musicien qui presse tour à tour les clés de son instrument. La main droite est clouée à la croix. La gauche ne peut atteindre à sa place. Ils ont mal mesuré la distance du trou qu'ils ont percé pour faciliter le passage du clou, ou bien l'agonie a contracté le corps de Jésus. La scène qui s'ensuivit fut terrible, comme les saints nous la décrivent dans leur révélation. Les bourreaux tirèrent de toute leur force le bras gauche, mais ils ne s'allongeaient pas assez. Ils appuient leurs genoux sur les côtes, que cette violente pression fait craquer sans les briser, et, en disloquant le bras de Jésus, ils parviennent à étendre la main jusqu'à sa place. Rien de plus qu'un léger soupir ne s'échappa de la poitrine de Jésus, et la douce expression de ses yeux demeura toujours la même. Mais Marie, qui pourrait s'imaginer l'horreur que ce spectacle, que ce son, produisirent en elle? Oh! Il y avait là, pour elle plus de douleur, qu'il n'y en a eu pour faire tous les saints qui ont jamais été canonisés. Le bruit sourd du marteau recommence, changeant de son selon qu'il porte sur la chair, les muscles, ou le bois dur où le clou s'ouvre un cruel passage. Les jambes de Jésus sont aussi tendues avec violence, les pieds sont croisés l'un sur l'autre, ses pieds, qui ont été si souvent blessés et fatigués en marchant à la recherche des âmes, et, À travers la masse solide des muscles frémissants, le clou s'enfonce lentement en faisant souffrir à Jésus une agonie inexprimable, à cause du manque de fixité du pied dans cette position. Il serait inutile de parler de la mère, il serait vain de la plaindre. Notre compassion ne pourrait être comparée en aucune manière au terrible excès de l'agonie de Marie, mais Dieu soutint sa créature, et elle continua de vivre. Maintenant, on soulève la croix et on la dresse avec Jésus couché dessus et ayant toujours la même douceur d'expression dans les yeux. L'instrument du supplice est porté près du trou creusé pour en recevoir le pied. Ils approchent la croix du bord du trou. Ils y ont attaché des cordes au moyen desquelles ils lui font prendre une position plus perpendiculaire. Lorsqu'elle est presque dressée, ils en attirent graduellement le pied au-dessus du bord de la cavité, jusqu'à ce qu'elle y tombe d'un bond violent qui disloque tous les os de la victime, et détache presque son corps avec les clous qui le retiennent. Quelques saints contemplatifs font même mention d'une corde liée autour du corps sacré pour l'empêcher de se détacher de la croix, et serrer si cruellement qu'elle entrait dans la chair. Ainsi une horreur surpasse l'autre, fouillant, comme ces feux souterrains qui font trembler la terre, sous les abîmes du cœur anéanti de la Sainte Mère, toutes ses facultés surnaturelles de souffrir. Ne comparons la douleur de Marie à aucune autre. C'est une chose à part. Nous pouvons la regarder, pleurer sur elle avec amour, avec un amour de souffrance, mais nous n'osons la commenter. Mère affligée, bénie soit la très sainte Trinité pour les miracles de grâce accomplis en vous à cette heure terrible. La terre trembla jusqu'à son centre. Les êtres inanimés frémirent comme s'ils eussent été doués d'intelligence. Alentour, les rochers se fendirent, les précipices s'ouvrirent tout le long des rivages les plus lointains de la Méditerranée, et le voile mystique du temple fut déchiré en deux par l'agitation de la terre, comme s'il l'eût été par la main de l'homme. À ce moment, ainsi qu'une révélation nous l'apprend, s'élevèrent des dépendances du temple les sons prolongés et plaintifs des trompettes qui annonçaient l'offrande du sacrifice du milieu du jour et ceux qui en sonnèrent ne soupçonnaient guère que la trompette retentissait ce jour-là dans le ciel comme les trompettes du milieu du jour n'avaient jamais retenti auparavant. Les ténèbres commencèrent à se répandre sur la terre, car le satellite de la Terre pouvait bien éclipser le Soleil matériel, lorsque la Terre elle-même éclipsait ainsi le Soleil de justice, la lumière éternelle du Père. Les animaux cherchaient des retraites pour s'y cacher. Les chants des oiseaux avaient cessé dans les jardins situés au-dessous du calvaire. L'horreur pénétrait les âmes des hommes, et les commencements de la grâce, comme l'arrivée incertaine de la première aube du jour sortait de ces ténèbres sympathiques pour se glisser dans un grand nombre de cœurs. Chaque moment était un siècle, alors que les hommes étaient environnés de pareils mystères. La première des trois heures commence, ces trois heures qui étaient des images si frappantes des trois jours pendant lesquels Marie avait cherché son jeune fils. Au milieu des ténèbres, Marie s'est approchée tout près de la croix, car les autres s'étaient enfuis, saisis tous ensemble d'une terreur panique, assez explicable chez les Juifs si l'on songe à leur foi. Mais les bourreaux endurcis, et les soldats romains habitués à ne pas trembler dans les ténèbres restent près de la croix, et à la faible lueur qui règne alors, ils jouent dès les vêtements de Jésus. Leurs paroles brutales et leurs plaisanteries grossières percent le cœur de Marie, car, comme nous l'avons dit auparavant, il appartenait à sa perfection que rien de son affliction ne fût perdu. Tout portait coup. Chaque objet lui faisait une blessure particulière et s'emparait d'elle comme s'il eût été la souffrance unique, la circonstance aggravante exclusive. Marie voyait ses vêtements, ses reliques que le monde n'aurait pu payer, entre les mains de misérables pécheurs, qui allaient s'en vêtir d'une manière sacrilège. Pendant 30 années, ils avaient grandi en même temps que notre Seigneur et ne s'étaient pas usés à force d'être portés, renouvelant le miracle que Moïse mentionne dans le Deutéronome, lorsqu'il nous dit que, durant les 40 années du désert, les vêtements des Juifs ne furent pas usés, ni les chaussures de leurs pieds altérées par l'âge. Maintenant, des pécheurs allaient s'en vêtir et les porter dans je ne sais quel repère d'ivrognerie et de péché. Et cependant qu'était-ce que cela, sinon un symbole? Un monde impur devait se vêtir tout entier dans la justice et la beauté du Fils de Marie. Des pécheurs devaient porter ses vertus, mériter par ses mérites, satisfaire par ses satisfactions, et puiser à volonté dans les fontaines de son précieux sang. De même que Jacob avait été béni dans les vêtements d'Ésaü, ainsi tout le genre humain devait être béni dans les vêtements de son frère aîné. Et puis, il y avait la tunique sans couture, que Marie avait faite pour son fils, et qui figurait l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Marie les vit tirer ce vêtement au sort, elle remarqua à qui il était échu. Un de ses premiers services d'amour pour l'Église sera de recouvrer la tunique de Jésus comme une relique pour les fidèles. Ce fut alors que l'histoire de l'Église se présenta au regard de Marie. Chacun des schismes qui devait affliger le corps mystique de son fils était comme un nouveau déchirement dans le cœur souffrant de Marie. Chaque hérésie, chaque dispute, chaque péché contre l'unité, en se présentant à l'esprit de Marie, lui causait la plus douloureuse angoisse, là, sur le calvaire, au moment où le sacrifice vivant était offert, et où l'unité de l'Église de Jésus était achetée à un prix si terrible. Toute cette amertume remplissait l'âme de Marie, sans distraire ses pensées de Jésus pendant un seul instant. De même que de saint Pontife, le cœur brisé par les injures et les maux qu'avait à souffrir l'Église, en ont eu tout leur esprit occupé, sans cependant perdre un instant leur union intérieure avec Jésus, ainsi en était-il alors de Marie, et même d'une manière beaucoup plus remarquable. Ce fut sur le calvaire qu'elle sentit tout cela d'une façon particulière, de même que c'est pendant le carême, à la passion et dans notre dévotion pour la passion que nous apprenons à aimer l'Église avec tant de sensibilité et de fidélité. De nouvelles sources d'affliction s'ouvrirent pour Marie lorsqu'on fixa le titre sur la croix. Ce titre venait de Pilate. Une échelle fut dressée contre la croix, et le titre cloué au-dessus de la tête de notre Sauveur. Chaque coup de marteau causait à Jésus une torture inexprimable, et cette torture avait un écho terrible dans le cœur de Marie. Ce titre lui-même avait de quoi étendre et exciter les souffrances de la mère de Jésus. La vue du nom sacré inscrit pour le monde entier d'une manière ignominieuse, ce nom qui, pour Marie, était plus doux que toute musique, plus odoriférant que tout parfum, cette vue était par elle-même une douleur. Le nom de Nazareth aussi réveillait en Marie les souvenirs du passé, au milieu de l'air obscurci, entourait la croix d'un cercle merveilleux de souvenirs et de contrastes. Partout dans la Passion, Bethléem et Nazareth se faisaient sentir, voir et entendre, et faisaient continuellement naître une nouvelle douleur dans les abîmes inépuisables du cœur de Marie. Si Jésus était roi, quel trône étrange que celui sur lequel son peuple l'avait placé! Pourquoi ne le reconnaissait-il pas pour leur roi? Pourquoi attendait-il qu'un étranger, un Romain, le proclama devant eux d'une manière dérisoire? Pourquoi ne le laissait-il pas régner sur leur cœur? Ah pauvre peuple, combien cela serait plus heureux pour lui, combien de péchés seraient épargnés, combien d'âmes sauvées, combien de gloires gagnées pour Dieu. Roi des Juifs, plus au ciel qu'il en fut ainsi, et en réalité il n'était rien moins qu'un roi, mais un roi rejeté, désavoué, déposé, mis à mort. Quel poids sur le cœur de Marie! C'était le poids des malédictions que ce peuple régicide avait appelé sur lui-même et qui allait l'abaisser jusqu'à terre. Marie aurait voulu souffrir de nouveau ces sept douleurs pour annuler cette même malédiction et pour réintégrer ce peuple comme autrefois, dans la prédilection du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il était trop tard. Ils avaient eu leur jour. Ils avaient comblé la mesure de leurs iniquités. Elles s'élevèrent ce jour-là jusqu'au bord du vase, et c'était en partie par leur malice en brisant le cœur de Marie. Mais, du moins, Jésus était reconnu roi par ce cœur, et il y régnait souverainement. Il en était de même pour la tendre Madeleine et l'ardent amour de Jean, et, à cette pensée, Marie les regardait avec une véritable fierté d'amour surnaturel. Jésus brise-t-il donc les cœurs sur lesquels il règne, ou vient-il, par un choix spécial, régner sur les cœurs brisés? Lorsque Marie songeait à ce que c'est que d'avoir Jésus pour roi, lorsqu'elle songeait à la souveraineté non contestée que, par sa propre grâce, il exerçait sur son cœur immaculé, quand elle voyait la munificence de Jésus agrandissant ce cœur, le rendant plus riche que le royaume des anges et des saints les plus parfaits, y établissant un règne sans fin, en faisant son magnifique palais d'ivoire, et y prenant ses délices, à ses pensées son cœur débordait sur son Fils. Comme si les digues de l'océan étaient renversées et que les continents fussent inondés par ses eaux. Et, chez Marie, chaque issue par où s'échappait l'amour était en même temps le passage d'une cruelle souffrance. Marie avait assez d'occupation en elle-même, mais l'affliction élargit les grands cœurs comme elle resserre les petits. Marie avait adopté les deux larrons. Il lui fallait des enfants. Elle sentait alors leur valeur, de même que nous connaissons le prix d'un ami au moment où nous allons le perdre. Son visage mourant nous montre ce qu'il valait, et fait plus d'effet sur nous que n'en faisait l'expression vivante. Maria, dans sa prière, luttait pour ces deux malfaiteurs, et Dieu lui a accordé de voir commencer l'œuvre de la grâce dans le cœur de l'un d'eux. Cela contente-t-il Marie? Oui, mais de ce contentement particulier, dû à une prière exaucée, c'est-à-dire qu'elle désire davantage, à cause de ce qu'elle a déjà obtenu. Elle ne comptait cela que comme un commencement. Elle plaidait, elle insistait, on aurait cru qu'une telle prière, dans un tel moment, était irrésistible. Aussi n'est-ce pas le ciel qui résiste? Les grâces descendent en haut comme des troupes d'anges jusqu'au cœur du malfaiteur impénitent. Elles voltigent alentour, elles demandent à entrer. Elles attendent, elles frappent au cœur de chair. Elles le font saigner de douleur, de terreur, de remords. Mais ce cœur était son propre maître, il ne voulut pas s'ouvrir. Si près de Jésus, et être perdu. Cela pouvait bien être incroyable pour Marie, et cependant il en était ainsi. Le larron opposa sa dureté à la douceur de Marie, et il resta vainqueur. Marie peut bien ne pas devenir la reine d'un cœur dont Jésus n'est pas déjà le roi. Mais quelle angoisse inexprimable pour Marie que cette impénitence! Quel destin que celui de cet homme! Avoir son visage si près de celui de Jésus, Les soupirs de la victime s'entachent mourant, pour ainsi dire, dans son oreille comme la brise silencieuse dans les montagnes, le souffle même du Dieu incarné le touchant. Le précieux sang répandu autour de lui comme une inondation et comme s'il y en avait trop pour que les hommes sussent qu'en faire, et, au milieu de tout cela, être damné, changer l'agonie brûlante et suffocante de ce crucifiement pour le feu éternel, être détaché par sa propre volonté du côté de Jésus, et, le moment d'après, appartenir pour jamais à l'enfer. Marie vit devant elle, comme par une échappée, l'éternité de ce malheureux. Elle saisit d'un coup d'œil l'horreur particulière de son sort. En voyant la perte de ce pauvre misérable fils, elle laissa s'échapper de son cœur un soupir qui renfermait assez de douleur pour servir de réparation à la majesté outragée de Dieu, mais pas assez pour amollir le cœur du pécheur. Telles étaient les occupations extérieures, ou plutôt ce qu'on peut appeler les occupations officielles de Marie durant la première heure du crucifiement. Son occupation tout à la fois intérieure et extérieure avait pour objet ce qui était au-dessus d'elle, ce qui répandait sur elle une ombre au milieu des ténèbres, ce qu'elle sentait plus vivement même que si elle eût pu le voir clairement, Jésus suspendu à la croix. Nos anges gardiens sont toujours à nos côtés, chargés de mille services invisibles d'amour. Ils voient cependant Dieu pendant tout ce temps, et sont entièrement plongés dans cette vue unique et béatifiante. Ainsi en était-il de Marie sur le calvaire. Tandis qu'elle semblait regarder et écouter attentivement les hommes qui se partageaient les vêtements de notre Seigneur, qu'elle voyait poser le titre sur la croix, ou qu'elle paraissait s'occuper de la conversion des malfaiteurs, elle faisait toutes ces choses de la même manière que les saints agissent dans l'extase, avec une attention et une exactitude parfaites, bien qu'elle fût retirée bien loin dans la présence de Dieu et cachée dans sa lumière. Une heure entière s'écoula. Jésus demeurait en silence. Son sang était enflammé par la souffrance. Son corps commençait à s'affaisser sur la croix comme si les clous ne pouvaient pas l'y retenir. Pendant tout ce temps-là, le sang coulait le long du bois. Jésus devenait de plus en plus pâle. Chaque moment de cette agonie était un acte d'adoration tout à fait digne de Dieu lui-même. Jésus était dans une ineffable communion avec le Père, des mystères surpassant tous les mystères qui avaient jamais eu lieu sur la terre, se poursuivaient dans son cœur alternativement contracté et dilaté par une agonie trop terrible pour que l'humanité eût pu la supporter sans un soutien miraculeux. Le cœur de Jésus avait un soutien divin, mais la consolation divine en était soigneusement tenue et éloignée. L'intérieur de ce cœur était clairement dévoilé à l'œil intérieur de Marie dont le cœur participait aux souffrances de celui de son fils. Elle avait aussi besoin d'un miracle pour prolonger sa vie, et ce miracle fut accompli. Mais il le fut avec le même caractère. D'elle aussi toute consolation fut tenue éloignée, et ainsi une heure se passa, et la grâce avait créé plusieurs mondes de sainteté à mesure que les longues minutes s'écoulaient lentement une à une, de plus en plus lentement, de même que lorsque nous sommes malades, l'horloge de minuit semble sonner plus lentement, comme pour nous reprocher notre impatience de l'entendre. La deuxième heure commença. Les ténèbres s'épaissirent et il y avait moins de personnes autour de la croix, plus de jeux de dés, plus d'inscriptions à clouer, tout était aussi silencieux qu'au milieu d'un sanctuaire. Alors Jésus parla. Il semblait qu'il eût été occupé à un entretien secret avec le Père, et qu'il fût arrivé à un point où il ne pouvait plus garder le silence. Ses paroles semblent indiquer qu'il avait intercédé en faveur des pécheurs, et que le Père avait dit que le péché du crucifiement était trop grand pour être pardonné. Tel était du moins leur sens pour nos oreilles humaines. Certainement ces paroles sortaient de quelque abîme, de quelque profondeur dans le passé, soit des propres pensées de Jésus, soit de l'excès de ses souffrances, soit d'un colloque avec le Père. « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Belle prière sans fin, vraie de tous les péchés et de tous les pécheurs dans tous les temps. Ils ne savent ce qu'ils font. Nul ne sait ce qu'il fait quand il pêche. Une grande partie de la malice du péché consiste en ce que le pécheur sait que cette malice est au-delà de toute compréhension. Belle prière aussi parce qu'elle nous révèle le dévouement caractéristique de notre Seigneur bien-aimé. Lorsqu'il rompt le silence, ce n'est pas en faveur de sa mère, ni en faveur des apôtres, ni pour dire une parole de consolation dans sa détresse à cette Madeleine si aimante et aimée si tendrement. S'il parle, c'est pour les pécheurs, pour les plus coupables, pour ses ennemis personnels, pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui l'ont poursuivi de leurs cris dans les rues, et qui l'ont accablé des dernières indignités. Il semblait qu'à Nazareth il eût pu aimer sa mère plus que tout le reste du monde, mais que sur le calvaire, au moment où son agonie avait fait paraître la réalité la plus profonde et les dernières révélations de son sacré cœur, il voulut montrer que son principal dévouement était pour les pécheurs. Marie se sentait-elle blessée à cette découverte? Fût-ce pour elle une nouvelle douleur que Jésus n'eût pas pensé d'abord à elle? Oh non, sur le calvaire l'égoïsme ne pouvait vivre, et Marie n'avait pas de retour sur elle-même. Si son cœur avait laissé échapper un cri au même moment que notre Seigneur, il aurait proféré la même prière, et employé les mêmes termes pour s'épancher. Mais les paroles de Jésus firent naître en Marie un nouveau déluge de douleurs. Le son même de la voix de son Fils, au-dessus d'elle, au milieu des ténèbres de l'éclipse, fit défaillir son cœur. La merveille du silence de Jésus et de l'absence de toute plainte était plus touchante maintenant qu'il avait parlé. Les souffrances de Marie semblaient avoir atteint à leur limite, mais il n'en était pas ainsi. Pour elle, les paroles de Jésus renversèrent les murailles, donnant à un monde de douleur qui se précipita dans le cœur maternel comme un torrent irrésistible. Le son bien connu de cette voix la perça comme une lance. La beauté même des paroles de son Fils était pour elle une angoisse. N'arrive-t-il pas souvent de même que les paroles prononcées au lit de mort sont déchirantes parce qu'elles sont si belles, et qu'elles sont pleines d'amour à un degré si incompréhensible? Le cœur brisé de Marie s'agrandit, reçut le monde entier et le baigna dans des larmes d'amour. Pour elle, la parole de Jésus était comme une parole créatrice. De la mère de Dieu, elle fit aussi une mère de miséricorde. Aussitôt que les paroles de Jésus furent prononcées, la miséricorde de Marie, plus rapide que le mouvement des rayons du soleil, avait jeté autour du monde un manteau de lumière, et embellissant les régions les plus âpres et en donnant de la clarté aux ténèbres, tandis que la plus incroyable douleur s'accroissait dans la même proportion que l'amour incalculable de Marie. Les paroles de Jésus sur la croix auraient presque pu par elles-mêmes être une douleur pour la Sainte Vierge. Chacune d'elles était plus touchante qu'aucune parole qui ait jamais été prononcée sur la terre. La beauté incomparable de l'âme de notre Seigneur se répand sur chacune d'elles, et, cependant, avec quelle différence! La douceur de sa divinité cachée en elle a ravi de siècle en siècle les âmes contemplatives qui ont le mieux aimé Jésus. Si ces paroles nous fournissent sans cesse à nous-mêmes de nouvelles beautés pour nos méditations, que doivent-elles être pour les saints, et, Bien au-delà, que devait-elle être pour la Sainte Mère de Jésus? Pour elle, chacune d'elles était une théologie qui ravissait son cœur et éclairait son intelligence. Elle savait que ses paroles seraient les dernières prononcées par Jésus. Pendant sa vie, les paroles de Jésus avaient été rares, et maintenant, en moins de 2 heures, il en prononça 7 que le monde écoutera et admirera jusqu'à la fin des temps. Pour Marie, ses paroles n'étaient pas isolées, elles lui en rappelaient d'autres qu'elle n'avait pas oubliées. Il n'y en avait aucune qu'elle eût oubliée. Elle interpréta par d'autres paroles celles que Jésus venait de prononcer. Elle en interpréta d'autres par celles-ci, et par là découvrit dans toutes un grand nombre de nouvelles significations. En outre, elle voyait l'intérieur d'où venaient ces paroles qui, par conséquent, avaient alors pour elle un sens plus profond. Mais la beauté toujours croissante de Jésus avait constamment été pour Marie une source d'affliction de plus en plus abondante pendant tout le cours des 33 années. Il n'était pas probable que cette loi fût abrogée sur le calvaire, et n'y avait-il pas quelque chose de parfaitement terrible, même pour l'œil de Marie, dans la manière avec laquelle la beauté divine de Jésus dominait tout et commençait à briller à travers cette éclipse? Il semblait que Dieu alla se mettre à nu parmi les ruines même de l'humanité sacrée, de même que les os de Jésus se montraient à travers sa chair. Mais les paroles ne sauraient exprimer ces choses. Marie éleva son âme à sa dernière hauteur pour atteindre au point d'adoration dû à Jésus, et reconnut avec calme que cela était au-delà de ses forces. Son adoration se transforma en flot d'amour que les ombres glacées du calvaire condensaient en douleur intense dans tout son être, où les moindres ondulations de la voix claire et douce de Jésus allaient se livrer jusqu'au fond de l'âme. La pensée que notre Sauveur avait le plus à cœur, si nous pouvons parler ainsi de lui sans commettre un manque de respect, c'était la gloire de son Père. Nous ne pouvons guère douter qu'après cette pensée, et au-dessus des affections de la nature créée dont il avait condescendu à se revêtir, ne se plaça l'amour de sa Mère Immaculée. Parmi les 7 paroles de Jésus, il s'en trouvera une parole qui suivra l'absolution donnée par Jésus au larron à la prière de Marie, une double parole, par laquelle Jésus parlera à sa mère, et parlera d'elle. Cette parole aussi sera comme une parole créatrice, créatrice pour Marie, plus créatrice encore pour l'Église de Jésus. Le Sauveur parla avec un amour incommensurable, et cependant, d'une manière si mystérieuse, qu'elle était propre à rendre l'affliction de sa mère encore plus profonde. Il l'appelle femme, comme s'il avait déjà dépouillé son caractère de fils. Il substitue Jean à sa place, et enfin, il paraît transférer à Jean son propre droit d'appeler Marie sa mère. Que de choses n'y avait-il pas dans ce fait pour accabler la Sainte Vierge par une nouvelle affliction? Elle connaissait bien le sens de ce mystère. Elle comprenait que, par ce transfert apparent, elle venait d'être installée solennellement dans son office de seconde Ève, de mère de tout le genre humain. Elle savait que Jésus venait de l'attirer encore plus près de lui, qu'il l'avait fait ressembler à lui-même plus que jamais, et avait rendu leur union plus complète. Il n'y avait plus de relation de mère et de fils, elles s'étaient confondues en une seule. Marie savait que Jésus ne l'avait jamais aimée plus qu'à 7 heures, et qu'il ne lui avait jamais donné une preuve plus palpable de son amour, dont cependant aucune preuve ne manquait. Mais chaque preuve nouvelle de l'amour de Jésus était une nouvelle affliction pour elle, car elle faisait naître en elle plus d'amour, et, avec plus d'amour, comme d'ordinaire, plus de douleur. Mais cette proclamation faite à Marie, de sa maternité des hommes, quelle étrange annonciation c'était, comparée à l'annonciation de sa maternité divine. L'heure de minuit, la chambre silencieuse, la prière extatique, l'humble promptitude du consentement, la rapide merveille de l'adorable mystère, tout cela était maintenant échangé contre le sommet du calvaire, au milieu de la faible lumière de l'éclipse, avec Jésus suspendu sanglant à la croix. Quelle joie extrême avait accompagné la première maternité! Quelle angoisse intolérable accompagnait la seconde! Et cependant, tandis que Dieu avait envoyé son ange faire la première annonciation, c'était lui-même, de sa douce voix humaine, qui condescendait à faire la seconde. Mais dans l'âme de Marie régna la même tranquillité, dans sa volonté le même empressement de consentement pieux et dévoué. Lorsque nous sommes plongés dans une profonde douleur, toutes les actions que nous sommes forcés de faire semblent exciter et multiplier notre peine. Alors les mouvements mêmes du corps troublent le calme de l'âme. Une interruption, un bruit extérieur, la scène que rencontrent nos yeux en se levant, tout cela suffit pour ouvrir une brèche et permettre à la masse des eaux amères de se répandre encore une fois sur l'âme. Ainsi, quand Marie dans tout son être s'élança pour recevoir cette parole de Jésus, si conformée par un plein consentement, et se ravir à Jésus pour se tourner vers Jean, ce fut comme si pour notre Sainte Mère, toute l'angoisse du crucifiement prenait une nouvelle vie, un redoublement d'activité, une amertume plus puissante, un pouvoir désolateur plus grand. Pensez à Jésus, en même temps que c'était alors pour Marie la plus terrible de toutes ses pensées, en était aussi la plus supportable. Elle sentait le plus vivement quand la place de cette pensée était occupée par d'autres. Qui n'a pas éprouvé la même chose dans des temps d'affliction? Celui que nous avons perdu est l'objet de notre pensée la plus terrible, et cependant nous sentons une certaine douceur, un certain calme en pensant à lui. Son souvenir soutient notre chagrin, mais si nous pensons à d'autres personnes ou à d'autres choses, nous ressentons un froid, une inquiétude, un mécontentement plein d'irritation, une diversion importune, qui rendent notre chagrin insupportable. Ainsi Jésus apporta par-dessus tout, dans l'esprit de Marie, l'image des pécheurs. Il détourna les pensées de sa mère, de lui-même, pour les diriger sur l'Église, sur ses ennemis, sur ses persécuteurs et ses meurtriers. Il la fit sortir, pour ainsi dire, du doux cercle de sa maternité, et la plaça dans le nouveau centre de sa charge et de ses relations officielles avec le genre humain. Car, lors même qu'il parlait à Marie, et qu'il parlait d'elle, c'était toujours plutôt les pécheurs qu'elle-même, qui semblaient avoir la première place dans ses affections. Pour Marie, tout cela était une douleur immense, plus cruelle même qu'aucune des afflictions que cette matinée, si féconde en souffrance, lui eût encore apportée. Ainsi s'écoula la deuxième heure que Jésus passa sur la croix, et cette deuxième heure avait été un siècle de prodiges que des siècles de science angélique et de contemplation séraphique ne sauraient mesurer convenablement. Jésus vivait encore. Son sang coulait toujours, son corps devenait encore plus pâle au milieu de l'éclipse, le silence régnait tout alentour, excepté lorsque les belles paroles de Jésus, tremblant légèrement dans l'air, semblaient rendre plus profond le silence et les ténèbres. La troisième heure commença, la troisième époque pendant laquelle cette longue douleur agissait sur le vaste monde du cœur de Marie. La première parole de Jésus, pendant cette dernière heure, fut, pour notre Sainte Mère, plus cruel que le glaive de Siméon. Il dit, « J'ai soif. » Il pouvait bien avoir soif. Depuis le calice béni de son propre sang, qu'il avait bu la nuit précédente, rien n'avait passé par ses lèvres, si ce n'est le vin et le fiel, et cette éponge imbibée de vinaigre, pressée contre sa bouche, et son propre sang qui s'y était introduit en coulant sur ses joues. Pendant ce temps-là, les clous brûlaient, comme le feu, ses mains et ses pieds, ses membres, de la tête aux pieds, était tourmenté par les douleurs cuisantes qui avaient causé les lanières de la brutale flagellation. De longues épines étaient enfoncées dans sa tête, comme des dards de flamme, et faisaient palpiter son cerveau en y causant l'inflammation la plus intolérable. Tout son sang avait été tiré goutte à goutte, toute la moiteur de son corps s'était échappée, et les fontaines de son cœur étaient sur le point de se tarir. À coup sûr, nous pouvons bien croire qu'il n'y eut jamais de soif semblable à celle de Jésus. Aucun malheureux naufragé n'a jamais éprouvé à un tel point l'agonie de la soif, ni n'a jamais langui et péri avec une langue, délivrée une gorge plus séchée plus brûlante que celle de Jésus. Et cependant, nous savons que cette seule torture a suffi, chez des hommes robustes, pour renverser la raison de son trône, et que mourir de soif est une des morts les plus horribles que les hommes puissent subir. Nous ne pouvons douter que notre Seigneur n'ait éprouvé cette souffrance au-delà du point où, sans un miracle, la mort devait arriver. Qu'elle doit avoir été terrible, la pression de cette souffrance physique qui fit pousser une exclamation à cette victime si amoureuse du silence. S'il fut merveilleux qu'au milieu de tous ces maux Marie n'eût jamais montré un signe de faiblesse féminine, qu'elle n'eût jamais eu aucune défaillance, qu'elle n'eût laissé échapper aucun sanglot, aucun cri, aucun geste désordonné arraché par la douleur, c'est bien maintenant que sa force est doublement merveilleuse. Non seulement cette exclamation de Jésus fut pour Marie une douleur qui lui déchira le cœur, mais il s'y joignit ce poids que la souffrance humaine, et surtout la souffrance d'une mère ne peuvent jamais supporter, le sentiment de notre impuissance à alléger l'agonie de ceux que nous aimons. Marie jeta sur le visage mourant de Jésus un regard où la mort était presque aussi profondément marquée que sur ce visage divin. Elle vit les lèvres de son fils brûlantes, enflées, tremblantes, blanches de cette blancheur de la dernière lutte mortelle, blancheur qui ne ressemble à nulle autre. Mais elle ne pouvait atteindre aux lèvres de Jésus, pas même pour essuyer avec son voile le sang qui s'y était coagulé. Il eût été inutile, et elle le savait bien, de s'adresser aux hommes cruels qui étaient dispersés sur la montagne. Afin d'obtenir une coupe d'eau fraîche pour ses lèvres, à travers quelle nouvelle scène de douleur n'eût-elle pas désiré passer? Mais cela ne pouvait être. Elle se rappelait comment il avait une fois jeté les yeux sur l'eau froide et brillante du puits de Jacob, désirant, dans sa fatigue et dans sa soif, avoir à boire une gorgée de cet élément qu'il avait lui-même créé, et qu'ensuite il avait oublié soif et fatigue dans son œuvre d'amour en s'occupant à convertir la pauvre Samaritaine. Mais maintenant, et c'était pour Marie une pensée accablante, l'eau était aussi éloignée des lèvres du Sauveur mourant, qu'elle l'était de celle du mauvais riche au milieu du feu éternel, du sein duquel il en avait demandé, ne fût-ce qu'une goutte. Il faut que son fils bien-aimé endure cette soif. Il s'est plaint enfin de ses tortures physiques. Mais à quoi cela servait-il? Si ce n'est à briser de nouveau le cœur de sa mère, et à exciter l'amour et l'adoration d'âmes innombrables à travers la durée des siècles de son Église? Pour lui, Cette plainte n'amena aucun soulagement. Ce fut par amour pour nous qu'il se plaignit, afin que, même au prix d'une plus grande agonie pour Marie, nous eussions un nouveau motif d'amour pour notre frère crucifié. Mais ce n'était pas là la seule soif que cette parole fut destinée à manifester. L'âme de Jésus avait une soif aussi ardente des âmes, que son corps de l'eau du puits. Sa pensée s'étendait sur tous les siècles à venir, et il désirait avec ardeur multiplier la multitude des âmes rachetées. Hélas, nous pouvons mesurer approximativement le tourment de sa soif physique, mais nous n'avons pas même une ombre qui puisse nous donner une idée de la réalité du tourment qu'endurait son âme. Si l'amour du Créateur pour les créatures qu'il a tirées du néant ne ressemble à aucun amour des anges ni des hommes, si l'espèce en est unique, si le degré en dépasse la portée de notre intelligence, ainsi en est-il de l'amour spirituel pour les âmes que renferme l'âme du Sauveur du monde. L'amour Sauveur reste sans terme de comparaison, comme l'amour Créateur. De même que les amours de la terre ne sont que des étincelles de l'amour Créateur, ainsi les instincts apostoliques, tout le zèle des missionnaires, toute la promptitude du martyr, toute la pénitence qui intercède, et toute l'intercession contemplative, ne sont que de faibles étincelles de cet amour sauveur dont le calvaire est à la fois le symbole et la réalité. Le tourment de cette soif était incomparablement bien plus cruel que celui de l'autre soif. Marie le vit, et cette vue même la transporta aussitôt, pour ainsi dire, dans un monde nouveau et inconnu de douleur. Elle vit que cette seconde soif serait presque aussi peu satisfaite que l'autre. Elle vit comment, à ce moment, Jésus contemplait dans son âme la procession sans fin des hommes qui s'avançaient chaque jour, sans interruption, d'une aurore à l'autre, en portant avec eux dans l'enfer le caractère du baptême et le sceau du précieux sang de leur Rédempteur. Voyez maintenant même, alors que le Sauveur est mourant de soif, le larron impénitent ne veut pas lui donner à boire son âme souillée. Ainsi allait-il en être à jamais. Marie voyait tout cela. Pourquoi Jésus avait-il jamais quitté Nazareth? Pourquoi avait-il traversé tout ce monde de souffrance qui n'était pas nécessaire, pour ne réussir à la fin que d'une manière si peu proportionnée à tout ce qu'il avait enduré? La gloire de Dieu, après tout, était-elle le supplice du calvaire, plutôt que le salut des hommes? Oui, et cependant non, aussi. Non plus que Jésus, Marie ne se plaignait ni d'une seule angoisse, ni d'un seul coup de lanière, ni d'une goutte du sang qui tachait le front couronné du Sauveur. Comme lui, elle avait soif des âmes, et son cœur défaillait en voyant que la soif de Jésus ne serait pas étanchée. Malheureux enfants que nous sommes! Combien de nos âmes n'avons-nous pas tenues éloignées, qui ce jour-là auraient consolé la mère et le fils? Mais Jésus avait à descendre dans un abîme de sa passion plus profond qu'aucun de ceux qui l'eût sondé jusqu'alors. Marie doit aussi descendre dans cet abîme. La parole que Jésus allait prononcer n'était pas simplement pour nous. La portée en est au-delà de nous, elle vient comme un cri mystérieux et lointain, sorti des profondeurs de l'angoisse spirituelle, et auquel la théologie mystique elle-même ne peut donner aucun nom. C'est Dieu abandonné de Dieu, la créature rejetée par le Créateur, quoique unie à lui par l'union hypostatique, l'humanité sacrée abandonnée de la nature divine à laquelle elle est liée d'une façon inséparable. Une nature humaine restée sans personne, parce que la personne divine, qui ne peut jamais se retirer elle-même, s'est retirée, la seconde personne de la Sainte Trinité désertée par les deux autres. Ces paroles ne sont-elles pas extravagantes? Nous savons simplement qu'elles ne peuvent se réaliser, qu'elles sont simplement impossibles. Cependant, lorsque nous cherchons à exprimer par des paroles le délaissement de Jésus, telles sont les expressions inévitables dans lesquelles nous nous embarrassons. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Y eut-il jamais un cri qui appartint mieux à une créature? Cependant, celui qui le proféra était le Créateur lui-même. Une telle parole ne pouvait donc être prononcée simplement pour nous. Elle était arrachée à Jésus dans l'extrémité de sa torture, par l'esprit même d'adoration. Quelques personnes ont conjecturé que c'était le moment où furent consommées les espèces du Saint-Sacrement qui ne l'avaient pas été jusque-là, et qu'ainsi venait de cesser l'union mystérieuse de Jésus avec lui-même. Mais cette opinion ne nous paraît pas d'un grand poids. Pourquoi Jésus aurait-il tiré de la consolation et de la force du sacrement de sa chair et de son sang, pendant qu'il exposait l'un et l'autre à des tourments inouïs? Pourquoi se procurer aucune consolation quand il s'appliquait à faire de tout ce qui l'entourait, même du cœur de sa mère, de nouveaux instruments de torture? Pourquoi sa nature divine, dans le Saint-Sacrement, aurait-elle été pour lui quelque chose de suave et de réparateur dont la perte lui eût arraché un tel cri, lorsque même dans l'union hypostatique, qui était une union incomparablement plus étroite que celle du Saint-Sacrement, il retirait à sa nature humaine les secours de sa nature divine, excepté la seule communication de sa toute-puissance qui lui était nécessaire pour vivre et souffrir davantage? Le sens des fidèles, cet instinct qui erre si rarement, indique sans hésitation le Père éternel comme la cause de cette souffrance, et comme celui à qui cette parole était adressée. Mais y a-t-il de la cruauté en Dieu? Non, la justice infinie est aussi éloignée de la cruauté que peut l'être l'amour. Cependant, c'était le Père, celui qui représente toute bonté, toute indulgence, toute douceur, toute patience, toute paternité dans le ciel et sur la terre, qui choisit le moment de la torture la plus cruelle, celui où la tempête des agonies créées commençait à fondre de la manière la plus impitoyable, parce qu'elle était alors presque épuisée, qui choisit, disons-nous, ce moment pour crucifier de nouveau, du crucifiement intérieur le plus épouvantable, le Fils de ses éternelles complaisances. Avec un effort supérieur, au-delà de toute expression, à toute grâce qui fût jamais donnée, si ce n'est à la grâce de Jésus, Marie éleva son cœur vers le Père, joignit sa propre volonté à la sienne dans cette cruelle extrémité, et, aussi bien que lui, dans un certain sens, abandonna son Fils bien-aimé. Elle abandonna le Fils au Père. Elle sacrifia l'amour de la mère au devoir de la fille. Elle reconnut le Créateur comme la seule fin dernière de la créature. Elle avait accompli le même acte au commencement, dans sa première douleur, à la présentation de Jésus, et cet acte était maintenant consommé. Mère, jusqu'où les exigences de la gloire de Dieu conduisirent-elles votre cœur magnanime? Elle voyait Jésus abandonné. Elle entendit le cri de l'âme nouvellement crucifiée de Jésus, percée jusqu'au vif par cette nouvelle invention de la justice de son Père. Et elle ne désira pas qu'il en fût autrement. Elle voulut qu'il fût abandonné si c'était la volonté du Père. Et c'était, en effet, la volonté du Père. C'est pourquoi, d'un consentement inébranlable et spontané, elle voulut qu'il fût abandonné. Elle descendrait en ce moment du sommet du calvaire, si le Père le lui ordonnait. Mais son amour monta jusqu'à une sorte de désespoir pour faire face à cette suprême exigence. Nul n'aurait songé qu'une âme humaine pût contenir autant d'amour qu'elle en répandit alors sur Jésus. Ce cœur était-il donc infini, inépuisable? Il semblait l'être en réalité. Car, à cette heure, il combina, multiplia, surpassa tout l'amour des 33 années, et se précipita dans l'âme de Jésus, comme s'il voulait remplir de lui-même le vide immense que l'abandonnement du Père y avait ouvert. Ce cœur versa tout, excepté l'amertume horrible de son martyre. La chair, le sang, les os, l'âme, tout était devenu douleur violente. Douleur pure et sans mélange. Le reste était allé dans le cœur de Jésus. Et ce cœur versait alors sur Marie un torrent d'amour qui la submergeait dans un nouvel océan de mots accablants. Et, par un seul et magnifique miracle, Jésus et Marie vivaient encore. Maintenant, Mère bénie, maintenant que vous êtes placée sur des hauteurs si incroyables de détachement, la fin peut venir. C'en était fait, tout était terminé, et principalement la création. Elle avait trouvé un terme au tombeau du premier Adam, sous la croix du second. Le Père avait abandonné le Fils. Il faut qu'il aille trouver son Père. Il est impossible qu'il soit désuni. Les créatures avaient fait ce qu'elles avaient pu. Elles avaient rempli jusqu'au bord la coupe des souffrances du Sauveur, et lui, avec un amour miséricordieux, l'avait vidé jusqu'à la lie. Mais il restait encore un châtiment créé par la créature plutôt que par le Créateur, créé principalement par une femme. C'était principalement par une femme. C'était le châtiment de la mort, le fils premier-né de la première Ève. Mais la mort pouvait-elle exercer son empire sur la vie vivante de l'éternité? Ève pouvait-elle punir Dieu? Devait-il hériter du legs amer des délices du paradis? Comment cela pouvait-il être? Comment Dieu pouvait-il mourir? Que pouvait être la mort pour lui? Il faut cependant que le cœur de Marie s'élève à la hauteur de cette heure redoutable. Tout élevé qu'il est, il faut qu'il s'élève encore plus haut, jusqu'au niveau de ce mystère tout divin. Les 33 années touchent à leur fin. Une nouvelle époque s'ouvre dans l'histoire du monde. La plus magnifique de toutes ces époques va se clore. Pour Jésus, à quoi la mort ressemblera-t-elle? Ah, nous pouvons aussi demander à quoi ressemblera la vie pour Marie lorsque Jésus sera mort. Que sera Marie elle-même sans Jésus? Elle ne levait pas les yeux, mais elle savait que les yeux de Jésus étaient fixés sur elle. Par quel étrange pouvoir les yeux des mourants font-ils tourner vers eux les visages qui étaient tournés d'un autre côté, et les attirent-ils à eux pour que les regards de l'amour puissent voir les derniers moments d'un être aimé? L'œil de Jésus s'arrêtait sur le même objet qu'il avait arrêté au moment de sa naissance, lorsqu'il s'était trouvé couché sur le sol dans un pli de la robe de Marie, tandis qu'elle priait agenouillée, et qu'il levait ses petites mains en souriant pour être pris dans ses bras et pressé contre son sein. C'était d'une autre manière que les bras de Jésus étaient maintenant levés, il nous invitait à monter pour nous y jeter, comme des enfants aimants, et pour voir ce que sont les embrassements de l'amour d'un sauveur. Marie sentit le regard de Jésus, et elle leva la tête pour regarder son visage. Jamais de tels regards ne se rencontrèrent ni n'exprimèrent tant d'ineffable amour. Le Père soutenait Marie dans ses bras, de crainte qu'elle ne succombât sous le poids de tant d'amour, et le cri retentissant partit du sommet de la colline, plongeant Marie dans une agonie de silence. La tête sacrée s'affaissa vers elle, l'œil se ferma, Et l'âme passa près d'elle comme un éclair et s'enfonça dans la terre, et un vent s'éleva et éloigna le manteau de ténèbres, et le soleil se dégagea de l'ombre de la lune, et les toits de la cité brillèrent d'une éclatante blancheur, et les oiseaux recommencèrent à chanter, mais seulement comme s'ils n'étaient qu'à demi rassurés. Et au-dessous de la croix se tenait Marie, mère sans enfant. La troisième heure était passée. Telle fut la cinquième douleur, avec ses périodes créatrices de sainteté et d'affliction. Pendant toute sa durée, Marie était restée debout, malgré les souffrances atroces du jour précédent. Malgré une nuit passée sans sommeil, et une longue matinée remplie de si terribles événements. Toujours forte et sans se laisser vaincre par son extrême fatigue, elle était restée debout, et l'Écriture prend soin de bien remarquer cette posture, comme si ce miracle de courage dans la souffrance était par lui-même une révélation de la grandeur du cœur de notre Sainte Mère. C'est pour ainsi dire une récompense pour sa douleur, que nous ne puissions prêcher Jésus crucifié sans que Marie soit présente. C'est quelque chose de différent que nous prêchons, si Marie est absente. Et maintenant elle est seule sur le calvaire. Il est 3 heures de l'après-midi du jour le plus terrible que le monde doive jamais voir.